Pour traverser les épreuves, il faut garder confiance en soi et oser être soi-même. Ils n'ont pas cru en moi. Je préfère utiliser tout cela pour me renforcer et pour aller de l'avant. Je me suis servi d'eux et de leurs propos sur moi et pour leur prouver à quel point ils avaient tort et à quel point ils s'étaient trompés. Je savais au fond de moi qu'ils avaient tort et que je devais leur prouver, et c'est ce que j'ai fait pour mon plus grand bonheur. J'aimerais faire une dédicace spéciale à la personne qui m'a donné le conseil suivant. Joy, tu devrais arrêter d'écrire car tu écris très mal. Je n'aime pas voir ton écriture. Ce message m'a beaucoup plu, tout simplement parce que sans lui, je n'aurais jamais trouvé la force de me battre, de lui prouver qu'il avait tort et que je valais bien plus que cela, plus que ce qu'il pensait. Je remercie tous ceux qui n'ont pas cru en moi au cours de toutes ces années, car c'est bien grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Et si je vis et si je continue de progresser, c'est grâce à eux. J'en suis vraiment fier. Voilà ce que je voulais partager avec vous, en espérant que mon histoire puisse vous aider à prendre conscience que vous êtes une personne formidable et que personne ne doit vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ne laissez personne vous décourager. Lorsque vous connaissez vos potentiels, vous connaissez qui vous êtes, vous avez ce longing, ce désir ardent de faire quelque chose, et que vous vous croyez compétent, fort, que vous pouvez le faire, ne laissez personne. Oui, car ces voix mélodieuses viendront pour vous décourager, pour vous démotiver, pour vous frustrer. Ils vous diront que vous êtes trop nul, que ta façon de parler n'est pas bonne, que tu n'as pas une belle expression française, en anglais, je ne sais pas dans quel domaine que vous êtes. Ils viendront pour vous décourager. Oui, et pour ceux qui ont été déçus, pour ceux qui ont échoué dans ce même domaine, ils vous diront que c'est compliqué. C'est très complexe, tu ne pourras pas le faire. Garde la tête haute. Crois en toi, crois en tes capacités, crois en Dieu. Il te sera possible. Merci, bonne chance à nous.